Chapitre 13e. Faisons connaissance. Nous arrivons vers Saint-Gaudens sans difficulté, puis sortons de l'autoroute vers Saint-Bertrand de Comminges pour rendre visite à la mère de Louisa, comme nous le lui avions promis. Il est 15 heures. Le ciel est tellement bas qu'on est obligé de rouler en feu de croisement. Personne dans les rues. Un rideau se soulève, une tête de vieille apparaît prestement pour espincher, prouvant que les visiteurs doivent être plus que rares dans le coin. Connaître une adresse ne signifie pas forcément qu'on va la trouver, et ce n'est qu'après avoir interrogé plusieurs commerçants que nous parvenons devant la porte de Madame Pereira. Une femme d'un certain âge, triste à pleurer, entrebâille la porte. « Oui, c'est pourquoi ?» Elle ne doit pas avoir 60 ans, mais la vie ne semble pas lui avoir fait de cadeau. Elle est correctement vêtue et coiffée, sans laisser aller, mais sa physionomie reflète pourtant tout l'ennui et la misère du monde. Tout à coup, son visage s'illumine en découvrant que je ne suis pas seul et que 3 autres personnes m'accompagnent. En un tournement, elle semble avoir 10 ans de moins. « Vous êtes venu de la part de Louisa ? » demande-t-elle, pleine d'espoir. « Eh oui, » dis-je, arborant mon sourire des grands jours en présentant le paquet que m'a confié Louisa. « Entrez, entrez, je vous en prie, comme ça me fait plaisir. » Elle nous précède dans une grande salle assez sombre, chauffée par un beau feu de cheminée. Le mobilier foncé est béarnais, sculpté profondément dans la masse. Ça inspire le respect, mais je n'aime pas, étant plutôt du goût minimaliste. Je fais les présentations, nous échangeons des poignées de main, des bises pour les épouses. Madame Pereira s'extasie sur Lisa. « Mon Dieu, quelle est jolie votre fille! Elle est grande, hein, comme Louisa? Elles sont toutes grandes maintenant. » Grande elle aussi, bien droite, sur ses longues jambes. Madame Pereira nous donne l'image de ce que Louisa sera dans quelques années. « Asseyez-vous, je vous en prie. Vous prendrez bien un café. »« Oui, c'est gentil, mais nous ne resterons pas très longtemps. Nous devons être à Biarritz ce soir. » Après nous avoir servi, Madame Pereira s'assoit face à nous, au bord du fauteuil et pleine d'impatience, nous demande « Alors, racontez-moi. » Par quoi commencer? Si au moins nous savions ce qu'elle connaît des malheurs de sa fille et du couple Barthes. Il ne faudrait pas que nous mettions les pieds dans le plat. Louisa m'a fait promettre de ne rien dire concernant la mort de Fred. Le mieux est de passer complètement sous silence les derniers événements. Déjà qu'elle paraît rongée d'inquiétude, il n'est pas question de lui faire péter les plombs. Je fais un clin d'œil aux 4 autres et commence par des infos plutôt soft et anodines. Elle est bien installée, vous savez, elle s'entend bien avec ses patrons et surtout, elle est très bien payée. Gilda prend le relais, pourvu qu'elle ait compris mon clin d'œil. Depuis que sa patronne a été, enfin, depuis qu'elle est décédée, c'est Louisa qui s'occupe entièrement de la maison. Elle remplit plus le rôle d'une gouvernante que celui d'une femme de ménage. Aussitôt, je perçois une lueur d'inquiétude dans l'œil de Madame Pereira. « Qu'est-ce que vous entendez par gouvernante ? » s'alarme-t-elle. « Eh ben, je veux dire qu'elle s'occupe de tout, les commissions, le ménage, c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Son patron lui prête même sa voiture pour qu'elle aille faire les courses. » J'ai parfaitement saisi ce qui tracasse la mère de Louisa, et je viens au secours de Gilda. « Non, ne vous inquiétez pas, Madame Pereira. Louisa n'a pas remplacé sa patronne pour tout, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bon, je commence à m'inquiéter. » « Mais vous saviez que sa patronne était morte ? » ?»« Oui, Louisa me l'a dit, la pauvre femme, tombée comme ça dans l'escalier, quelle fin idiote. » « Bon, ainsi nous comprenons qu'il va falloir se faire léger sur l'assassinat de la patronne et sur les soupçons qui se sont portés sur sa fille pendant un temps. Paula y va aussi de son petit compliment. Vous savez, elle est courageuse, votre fille, travailleuse, intelligente. Oui, je sais, mais je me demande justement pourquoi elle était faire ce travail, alors qu'elle avait une place à Pau comme infirmière. C'est vrai, ça, dis-je. Pourquoi avoir choisi d'aller travailler là-bas? Je vais bien voir ce qu'elle sait et ce qu'elle nous en dit. Mais c'est à cause de ce Michael. Un jour, il est venu ici, il a demandé à lui parler, et ça a dû être le coup de foudre, parce qu'une semaine plus tard, elle levait l'ancre pour partir avec lui. Je n'ai pas encore compris, mais enfin, ça fait un moment que je ne comprends plus grand-chose. Nous en étions restés à Mokhtar, que Louisa avait rencontré dans un train. C'est du moins ce qu'elle a raconté à la juge. Comment est-elle passée si rapidement de Michael à Mokhtar? Louisa n'a pourtant pas l'air d'une fille facile. Elle aurait plaqué Michael juste quelques jours, voire quelques heures après son départ. Serait partie toute seule pour Marseille, dans un train où elle aurait rencontré Mokhtar. Dites-moi, Madame Pereira, c'est Michael qui a indiqué à Louisa cette place de bonne près de Marseille? Ben oui. Ce n'est pas faux de lui avoir dit que c'était complètement idiot de lâcher un bon poste. Mais enfin, vous savez, une femme est capable de n'importe quoi quand elle aime. Nous nous regardons subrepticement tous les 5. Faut-il lui avouer que l'amant de Louisiane n'est pas Michael? Apparemment, elle ne le sait pas, et vu son caractère alarmiste, il vaut mieux ne rien lui dire. Elle a un joli petit appartement, bien ensoleillé, avec un jardinet devant, lui dit Gilda, pour changer de sujet. Louis, aussi fouille-merde que moi, revient tout de même au fameux Michael, dont le rapport avec Mokhtar l'interpelle. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Michael? Je ne sais pas exactement. Je crois qu'il a fait des études de droit. Il est même avocat, peut-être bien. Alors, pensais-je, de Michael à Mokhtar, Louisa est tombée de Charybde dans Scylla. Quant à Louis, ses réflexes professionnels lui reviennent. Il est originaire de la région, Michael. Il est de Saint-Jean-de-Luz. Je me souviens qu'il a un nom basque. Mais alors, lequel? Oh, ça me reviendra peut-être. Au fait, dis-je, j'ai des photos à vous montrer. Je vais dans la voiture et en reviens avec mon ordinateur portable. Je le mets en route, sous le regard intrigué de Madame Pereira, et quand le diaporama est prêt, je me déplace et m'assois à côté d'elle. Regardez, ce sont des photos prises par votre fille. Madame Pereira se penche sur l'écran et ponctue les photos de « Oh !» et de « Ah !» visiblement contente de voir sa fille et son lieu de vie. « Elle a bonne mine, » dit-elle. Puis, au hasard d'une photo, elle me dit négligemment « Tiens, là, dans le jardin derrière, c'est Michael. » J'allais m'étonner et rétorquer l'irréparable, mais je me tais et lance un regard noir aux quatre autres. « Eh oui, » dis-je bien fort, « c'est Michael. » « Il est sympa, Michael, » fait Louis. « Lui aussi, il est très dévoué. » Il n'ajoute rien pour ne pas préciser la profession qu'exerce Michael Mokhtar. « Alors, vous ne vous souvenez toujours pas de son nom de famille ?» « Pourtant, ce sera bientôt votre gendre, peut-être. » Madame Pereira ne cherche pas. Elle regarde encore les photos. Je lui ai montré comment les faire avancer ou reculer. J'essaie de trouver des pistes aux questions que nous nous posons maintenant. « Louisa nous a dit que vous étiez veuve, malheureusement. »« Oui, mon mari a été assassiné quand Louisa était toute petite. » »« En fait, elle n'a connu son père qu'en photo. »« Comment est-il mort, votre mari, Madame Pereira ?»« Il était convoyeur de fonds. »« Lui et son collègue ont été tués d'une balle dans la tête. » Les solos ne leur ont laissé aucune chance. Ils ont dû s'arrêter et descendre du fourgon, peut-être à cause d'un accident, on n'a jamais su. Tout ce qu'on a retrouvé sur les lieux, c'est une poupée. Louis percute immédiatement. Vous l'avez gardée en souvenir, cette poupée? Moi non. Peut-être Mireille Gomise. C'était la femme d'Antoine, le collègue de Philippe. Je ne me souviens plus si on nous l'a donnée, cette poupée. Les enquêteurs ont conclu un faux accident, dans lequel une enfant aurait été blessée, c'est ça? Oui, je crois que c'est ce qu'ils ont raconté. Près de Sally du Sala? Mais oui, comment le savez-vous? J'ai lu l'affaire dans un bouquin que l'on m'a offert. Je m'en souviens bien maintenant. Je suis désolé. Ça a dû être dur pour vous. Oh oui. Renchérisse Paula et Gilda, ma pauvre, vous avez dû souffrir. J'ai élevé ma fille comme j'ai pu, mais je n'ai jamais refait ma vie. J'avais 21 ans, vous vous rendez compte? Nous restons muets quelques secondes, chacun de nous appréciant le dramatique d'une telle situation. Puis Gilda, toujours avec son grand cœur, demande: Vous voulez bien qu'on vous téléphone de temps en temps pour prendre de vos nouvelles? Oh oui, bien volontiers. C'est très gentil à vous. Ici, je n'ai pas vraiment d'amis. Le malheur n'attire pas forcément les sympathies, vous savez. Louis revient devant l'ordinateur et jette un coup d'œil aux photos. Alors c'est lui, Michael, je me disais aussi. Oui, et Michael aussi est orphelin de père. C'est peut-être ça qui les a rapprochés tous les deux, allez savoir. L'impression que j'ai éprouvée tout à l'heure à Carcassonne me revient. Les petites pierres, toutes simples, qui font les beaux murs, à condition qu'elles soient bien agencées. Peu à peu, toutes les pièces du puzzle prennent leur place. Complexité, simplicité. Après force embrassade, promesses en tout genre, échange de numéros de téléphone, nous quittons finalement Madame Pereira, qui, nous le pressentons, va ressasser notre entrevue jusqu'à ce qu'elle trouve le sommeil. Dès le coin de la rue, la conversation explose en tous sens. Ah ben, je comprends pourquoi Mokhtar ressemble à un prince du désert. Dit Louis en riant. Moi, je le trouve beau, qu'il s'appelle Michael ou Mokhtar, dit Lisa. Mais pourquoi avoir changé de nom? Ça cache quelque chose, juge Paula. Allez, tu crois? Fait Louis en la moquant. J'ai l'impression qu'avant de partir avec Louisa, il a dû faire quelque chose de pas clair, le Michael. Et que Louisa le sait, puisqu'elle le couvre pour son changement d'identité. Tout finit toujours par se savoir, dis-je d'un ton docte. Louisa ne s'est pas aperçue que Mokhtar était en background sur une des photos. Il y a toujours un détail qui tue. Moi, dit Paula, je suis peut-être vieux jeu, mais je trouve que c'est quand même rapide pour une histoire d'amour. Mais ce n'est peut-être pas une histoire d'amour, justement, répond Louis. Une histoire de fric, d'oseille, de pognon, s'amuse Lisa. Michael a détourné des fonds et s'est barré avec. Et que vient faire Louisa là-dedans ? Eh ben, c'est sa chérie. C'était une liaison impossible, alors ils sont allés cacher leur amour au soleil. C'est simple, s'exclame Lisa. Ouh, ma petite fille, je sens qu'une grande carrière t'attend dans la police ou dans la littérature, plaisante Louis. Je jette un coup d'œil à la montre. Ça va être juste pour être à Biarritz à l'heure. Mieux vaut que nous fassions une étape à Pau. J'en informe mes passagers. Macarel, les enfants, s'exclame Louis. Je connais un hôtel-restaurant du tonnerre de Dieu à Pau, le Grand Gascon. Eh bien, cherche le numéro sur Internet avec ton portable et retiens une table et trois chambres. Nous allons dormir chez Henri IV.